Selon le journal internet sud-coréen La Voix du Peuple, 786 habitants de divers milieux sud-coréens ont réclamé le 17 à l'agence de révision l'examen de l'origine des fonds dépensés par les conservateurs de Bakunin pour le contrôle d'état des manuels d'histoire.